Alors, tu veux savoir qui devrait payer pour tes conneries? Ouais. Mes conneries, puis mes gestes que je pensais corrects qui sont devenus des conneries. Regarde bien. C'est qui va payer pour ça? Mario? Non, toutes les personnes qui ont été... qui payent pour. Il y en a beaucoup qui ont eu des petits hauts, des petits sursauts, des petits hauts, ce que tu voudras. Ils payent pour. Voilà. Qui devrait payer pour? C'est évident que sur le plan planétaire, ce sont les individus qui veulent payer qui payent. C'est ce que la psychologie dit, du moins. Elle dit que si vous souffrez, c'est parce que vous décidez de souffrir. Elle dit que... J'ai même entendu des psychologues qui disaient à un moment donné à des individus, « Madame, votre fils s'est suicidé et c'est de votre faute. » Parce que, inconsciemment, vous l'avez voulu. Mais le psychologue fait quoi du fils pendant ce temps-là? Pas d'autre verre d'eau. Mais... Bon, je fais le plan de l'expérience. Non, c'est correct, correct. Ça va, on a compris. Eh oui, parce qu'apparemment, selon certains psychologues, c'est toujours la faute de l'inconscient. Moi, quand je parle de la collectivité, je parle de la conscience collective. Et souvent, je me fais reprendre par ces personnes qui me disent « Non, c'est l'inconscient collectif. » Non, c'est la conscience collective, c'est pas l'inconscient collectif. Inconsciemment, on n'est pas collectif, c'est consciemment qu'on l'est. C'est consciemment qu'on veut suivre la mode. C'est consciemment qu'on veut être dans le vent. C'est consciemment qu'on se demande ce que les autres vont penser si on met tel ou tel habit. C'est consciemment qu'on est gêné. C'est consciemment qu'on a honte. C'est pas inconsciemment. Mais la science de l'actuelle humanité évoluée prétend que l'être humain est conscient. Donc, que tous ces problèmes viennent de l'inconscient. L'être humain prétend être intelligent. Un peu comme dans l'antique religion catholique, où on dit que les bonnes actions, c'est vous qui les posez, et c'est Satan qui vous fait faire de mauvaises actions. Et qui te fait faire les bonnes? Ben, c'est Satan aussi, qu'on appelle Dieu. Mais les bonnes, c'est quoi les bonnes actions? Ben, ça dépend des autres, hein. Il y a eu une époque où tuer un Allemand, c'était une bonne action pour les Américains. Pour les Allemands, c'était un meurtre. Par contre, tuer un Américain, c'était une bonne action. Mais pour les Américains, c'était un meurtre. Alors, c'est quoi une bonne action? Qui nous fait faire les bonnes actions? Sinon, ceux qui déterminent que ce qu'on a fait est une bonne action. Dans un groupe de voleurs, voler, c'est quelque chose de correct, hein? Une bonne action. Pas chez ceux qui se font voler. Mais chez les dépanneurs ou chez ceux qui se font voler, tuer un voleur qui rentre, une bonne action. Pas pour les parents du voleur. Bonne action, mauvaise action. Donc, il n'y a ni bonne ni mauvaise action, il n'y a que des actions. Non. Est-ce que ce sont des actions, justement? Il n'y a même pas d'action, il y a juste des réactions. Des réactions à quelle action? À la création. Il y a eu, à un moment donné, une action qui a duré approximativement, je mets ça très approximatif, c'est un peu plus rapide que ça, qui a duré quelques milliardièmes de seconde. Une action. De cette action-là découlent des réactions. À travers les réactions, à travers 15 milliards d'années de réactions, nous voilà! C'est intéressant parce que pour que des planètes puissent être créées autour d'un soleil, ça prend entre 4 à 5 milliards d'années de travail stellaire, de travail de création de soleil et d'explosion de soleil pour Hoffman, ça prend près de 10 milliards d'années pour finalement être capable pour qu'il y ait suffisamment de matière, qu'il y ait suffisamment de fer, qu'il y ait suffisamment d'hydrogène, qu'il y ait suffisamment de carbone, qu'il y ait suffisamment de métaux autres que de l'hydrogène et de l'hélium, comme on en retrouve au début de la création, pour qu'il y ait suffisamment de matière à créer des planètes. Cela veut dire qu'après 10 milliards d'années de brouhaha, de guerre cosmique, atomique, eh bien, il y a suffisamment de matière pour engendrer des soleils qui, dans leur refroidissement, vont laisser des magmas de matière atomique autour d'eux, et ceux-là vont aussi se grouper sous la force de la gravité et vont devenir des planètes. Donc, après 10 milliards d'années, on peut penser que dans notre création, il peut y avoir l'apparition de planètes, de soleils avec des planètes. Notre soleil a 4 milliards, 4 milliards point 5. Années. Et notre Terre aussi. Cela veut dire que dans l'histoire de la création, il n'y a, avant nous, jamais eu de système planétaire. Il n'y a pas de système planétaire plus vieux que nôtre. Ils sont tous du même âge, à peu près. Tous du même âge. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que sur ces systèmes planétaires, s'ils ont tous 4 à 4,5 milliards d'années, est-ce que sur ces systèmes planétaires, des êtres évolués, comme nous, ou des êtres évoluants, sinon évolués, ont pu évoluer plus rapidement? Si oui, il y a donc des extraterrestres qui ont une force d'évolution plus grande que la nôtre et qui peuvent venir nous anéantir, ou nous sauver, ou simplement jouer avec nous. On peut devenir des cobayes. Est-ce que c'est eux qui devraient payer le prix pour nos erreurs, nos actes? Je dis pas erreur, mais... Il y a des extraterrestres qui se posent la même question. Parce qu'ils ont des problèmes aussi. Bon. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que ça prend près de 4 milliards d'années sur une planète avant que la matière soit suffisamment organisée pour pouvoir engendrer des systèmes de vie un peu plus complexes. Ça prend quelques millions d'années avant d'être capable d'engendrer des corps qui vont avoir un système cérébral neuronique convenable. Et ça prend quelques milliers d'années par la suite, les 2, 3, 4, 5, disons les 8 derniers mille ans, pour façonner un corps physique qui pourra ressembler un peu au corps physique qu'on a ici. Je ne parle pas du nez, des yeux, du front et des cheveux, mais je parle du système neuronique, du cerveau et du système endocrinien. Le système endocrinien, c'est ce qui permet à la race humaine de supporter justement le prix à payer. Plus on a un système nerveux et un système endocrinien faible, un système endocrinien faible, c'est un système endocrinien qui sécrète des hormones pour rien. C'est simple. Bouh! Ah, il y a le cœur accélère. Mais un système endocrinien faible, il ne sécrète pas grand-chose. Bouh! Ah, là, il y en a d'autres qui commencent à sécréter. À un moment donné, il va arriver une holocauste totale, puis il y en a qui vont être en paix. Mais leur système endocrinien, puissant. Et leur système neuronique aussi. Est-ce que ceux qui ont un système endocrinien plus puissant payent moins cher leur facture ou bien? C'est évident. Ils la font payer par les autres. Et comment ils font ça? Ben, ils n'ont rien qu'à dire, ta faute! L'autre, il croit. Ils payent pas. Très simple. Eux, ils n'ont jamais de facture le à payer. Le vendeur qui va vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a foutrement pas besoin, il est vain qu'à ne pas l'acheter. Mais l'autre, il est pas né à payer. L'autre, il est pas né à l'avoir acheté. L'autre, il n'était pas capable de faire autrement. Le vendeur est arrivé devant le client, puis il sort son paquet de cigarettes, qu'il fume ou qu'il fume pas. Oups! Si le client se penche, le client c'est une tapette, c'est un esclave, c'est un serviteur. Le vendeur, il va y vendre ce qu'il veut. Puis le client va accepter. Il y a des vendeurs qui ont déjà eu une technique de vente géniale, ils plaçaient de l'aluminium devant des maisons. Puis leur technique de vente était assez simple, c'est qu'il y avait le plus vieux des vendeurs, faisait équipe ensemble. Plus vieux des vendeurs rentraient dans la maison, puis là, ils allaient leur vendre pour 50$ un revêtement total de la façade de la maison. Le couple achetait. Puis après ça, le deuxième passait une semaine après, puis il expliquait que le bonhomme, il va prendre sa retraite dans pas grand temps. Puis là, il a fait une connerie massive. C'est 500$ ou 5000$ le revêtement. 5000. Et puis là, c'est 50$ ou 500$ qu'il leur vendait. Vraiment, vraiment ridicule. Et puis, il va se mettre dehors, puis il n'aura même pas sa pension. Le boss, il va... Le couple devenait suffisamment, avait tellement pitié du pauvre petit vieux, parce qu'il réussissait même à se faire inviter à souper avec l'autre pour en parler, qu'il finissait par acheter à 5000$ le revêtement finalement pour sauver l'autre et le pauvre petit vieux. Mais juste ça. Puis on vendait comme ça, on s'en allait. La meilleure technique, c'est de dire qu'on va mettre une grosse pancarte devant, de sa poisson de Time Life, prendre des photos, tout ça, puis les clients achètent. Puis une pancarte, il n'y en a pas, tu sais, il n'y en a pas. Qui c'est qui paye? Ben c'est celui qui a un système endocrinien faible, celui qu'on peut culpabiliser, celui qu'on peut rendre honteux, celui à qui on peut faire peur. Je veux dire 99,9% des humains. Mais ces gens-là, de la façon dont tu décris, ça ressemble à l'enfant teflon que tu décris dans tes livres. Est-ce que c'est des adultes teflon? Les vendeurs? Oui, ceux qui ont un système endocrinien... Non, le vendeur n'est pas teflon pantoute. Quand le vendeur rentre au bureau, là, s'il n'a pas fait 4 ventes aujourd'hui, quand il doit en faire 4, puis lui, il en a fait 5, puis lui, il en a fait 1. Ben, il se sent tellement pogné, ça n'a pas d'allure, il n'endort pas de la nuit, il faut qu'il aille booker des ventes. Il va aller vendre ça à sa mère, à sa soeur, il va s'organiser pour en vendre. Elle sait qu'il va inventer des façons extrêmement rapaces de vendre pour soutenir un peu l'autre, il faut qu'il arrive avec le même automobile que les autres vendeurs. Ils ont une compétition totale, il n'est pas teflon pantoute. Il paye son prix par rapport au patron, qui lui est en haut, qui lui dirige tout le monde. Puis le patron au complet n'est pas nécessairement teflon, sauf qu'il en faut un en haut, qui bénéficient, puis il en faut en bas, qui nourrissent. Ça veut dire que celui-là, il y a quand même à payer. Même si tu as un système endocrinien plus solide, tu payes quand même. C'est-à-dire que le vendeur n'a pas un système endocrinien plus solide, sauf que qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'on lui donne des mémoires d'intervention, on lui donne des cours de vente. Je viens vendre des ustensiles, et puis vous êtes un couple, et puis je dis, je rentre à l'heure du souper, quand monsieur est là, madame est là, évidemment, madame est à la maison. C'est la philosophie de quand on vend des ustensiles de cuisine, on vend ça à madame qui est à la maison, on vend pas ça à madame qui travaille. Et puis là, je montre tout ça, j'explique tout ça. Après ça, je dis à monsieur, monsieur, pensez-vous que votre femme mérite une bateau de cuisine comme ça? S'il dit non, quand je vais m'en aller, je suis quand même au poignet, hein? Le bonhomme, ben, il a... Oui, elle mérite ça, mais... Bon, ben, ils sont même pas à peine que continue à parler. C'est... Là, le bonhomme, puis la bonne femme devrait dire, non, je le mérite pas, je mérite bien mieux que ça. Ça a un système endocrinien solide. Là, le gars, le vendeur, est fait. Mais c'est pas ça qui va arriver. La femme, elle va dire, tiens, va voir. Mais, elle a Christine avec le vendeur. Hein? Elle veut même pas l'acheter, elle veut voir ce que le bonhomme va dire. Ouais. Mais s'il dit oui, il va voir qu'il l'a fait. Alors peut-être après ça, je monte dans la face parce qu'il l'a acheté. Peut-être pas. Mais c'est une technique de vendeur. Le vendeur n'a pas un système endocrinien solide. Il s'en vient simplement dire ce qu'il a appris. Mais juste, c'est de la ruse dans ce cas-là. C'est facile. C'est technique. Chèque, tu trembles. Monsieur, pensez-vous que votre femme mérite? C'est facile. Souvent pareil. Puis celui qui n'est pas capable d'être menteur, d'être prédateur à ce point-là, ben arrive pas à vendre. C'est un acheteur, lui. Est-ce que c'est plus payant d'être prédateur que d'être prédaté? On a un système planétaire qui est extrêmement intéressant, où l'herbe se nourrit des minéraux, des photons, du gaz carbonique, les plantes aussi. Ce sont des prédateurs, ils détruisent l'environnement pour se créer. On a des herbivores qui viennent détruire les plantes, les végétaux, pour se nourrir. Ils sont prédateurs, ils se nourrissent de proies. On a les carnassiers qui viennent faire la même chose en se nourrissant des herbivores. On a l'homme qui est un omnivore. L'homme, lui, c'est un n'importe quoi. Il mange de l'herbe, il mange des pommes, il mange des fruits, il mange des peanuts, il mange de la viande, il mange... Bon, et voilà quoi, c'est un omnivore. Omni, tout. Dévore tout. En plus, dans les loups, il y a le plus fort, qui lui ne chasse pas, mais les autres loups vont chasser, mais le plus fort mange en premier. Après les mâles, le chasseur. Après les mâles, tapette. Après les enfants mâles. Après les femelles, petites ou grandes, comme ils voudront. Les lions, c'est pareil. Les chevreuils, c'est la même chose. On prend un troupeau de chevaux, l'étalon le plus fort, celui qui va... On va dire, c'est sûr, le plus fort engendre, et puis ça fait des étalons plus forts. Oui, mais ça reste un système de prédation. Tout le système planétaire au complet est en fonction d'une prédation. C'est-à-dire qu'il y aura des proies. Le vendeur a des proies. Le patron, ses employés ont souvent des proies. Tout notre système au complet est un système de prédation. Nous sommes un pays riche et nous prédatons les pays pauvres. Nous prenons ce que nous voulons et le reste en banzai. Ils payent pour nous autres. Nous, on paye. Il faut qu'on constate que dans les pays pauvres, ils souffrent de ne pas pouvoir se loger. Nous, on souffre. Il y a de la neige dans la télévision. Et on a sans doute le même degré de souffrance. Sauf que nous ne pouvons pas rétrograder parce que là, on ne souffrira pas, on va se suicider. Eux ne peuvent pas rétrograder parce qu'ils sont à côté sur le mur en arrière. Ils peuvent augmenter leur potentiel de vie. Mais plus nous avons augmenté le nôtre, plus il devient difficile d'augmenter le nôtre. Donc, ils ne sont pas dans une meilleure position que nous autres. Finalement, ils ne peuvent pas reculer, les autres sont à terre. Dans l'évolution, ils sont dans une meilleure position que nous autres, c'est-à-dire qu'ils partent à zéro, puis augmenter la vitesse de l'automobile de 0 à 100, ça se fait bien. De 100 à 200, ça prend beaucoup plus de carburant. De 200 à 300, la majorité des automobiles ne peuvent pas, parce qu'on n'a pas, pas suffisamment d'énergie pour le permettre. Si on prend une fusée, on la fait décoller, de 0 à 20 km à la seconde, ça prend, disons, 100 kg d'énergie. De 20 à 25, ça prend 200 kg d'énergie de plus, et pas beaucoup plus de vitesse. De 25 à 30 km seconde, ça prend 300 fois plus d'énergie. Plus on va accélérer, plus ça prendra de l'énergie. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, Einstein avait dit qu'atteindre la vitesse de la lumière, ce serait impossible, parce que plus tu accélères, plus tu veux accélérer, plus il faut t'en mettre. Alors à un moment donné, il faudrait que tu mettes toute l'énergie contenue dans la planète Terre pour atteindre presque la vitesse de lumière. Donc, on ne pourrait jamais y arriver en fonction d'un vaisseau spatial ou d'un véhicule. Mais l'évolution, c'est la même chose. Nous sommes rendus dans un système d'évolution matérielle ou confortable à un niveau X qui fait que pour aller chercher un peu plus, ça en demande. Il y a toujours une limite à un moment donné où tu as traversé le point et après ça, ça marche tout seul. Comme d'une réaction chimique. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, puis après ça, ça part. C'est parti. Faire bouillir de l'eau, c'est compliqué, puis quand il y arrive, ça décolle. Mais pour aller plus loin, tu ne pourras pas tant qu'il va y avoir de l'eau. L'être humain paye le prix de différents gestes, de différentes actions. Il souffre pour ce qu'on entend par payer. De temps en temps, il est heureux, mais ça, c'est une farce à être heureux, parce qu'on ne vous laisse pas heureux longtemps. Mais vu qu'on vous a monté un bonheur, il n'en faut pas gros pour ça pour vous faire souffrir autant qu'avant. Puis si on te redescend comme tu étais, puis tu étais assez bien avant, sauf bien plus qu'avant. Alors c'est un piège, le bonheur. Quand on vous donne du sucre, c'est pour vous l'ôter après. L'enfant qui n'a jamais, jamais, jamais goûté un gâteau de sa vie, bon, c'est pas bien grave. Une journée qu'on y en donne, il est content, maudit. C'est pour ça qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on faisait à Noël? On donnait une pomme, une banane, une orange. Donnez pas ça à un enfant aujourd'hui. Non, ça ne marchera pas. Mais franchement. On ne serait pas mieux de retourner justement à cette époque-là, puis retourner... Dans un système d'éducation convenable, l'enfant devrait venir au monde, hein? C'est une bonne chose déjà. Après ça, on te laisse dans un berceau, il peut coucher dans la chambre des parents un petit bout de temps, bon, le temps que les parents s'en occupent, ben là, on a une chambre à part, si un des deux parents ne peut pas supporter l'enfant. Et puis, du moment que l'enfant commence à avoir une vision compréhensive du décorum dans lequel il est placé, on doit le placer dans sa chambre à lui. Une chambre en plywood, en contreplaqué, vide, avec rien dedans. Même pas peinturé. Puis dans un matelas à terre. Alors là, l'enfant, il a un an et demi, deux ans. Premièrement, il ne peut pas tomber. Il met la tête à terre. Rien de problème. Il ne peut pas s'empoisonner en bouffant de la peinture. Il n'a pas, c'est pas peinturé. Bon. Rien. Rien, rien, rien. Quand il sort de la maison, ben, il rentre dans le monde des adultes. Puis là, il voit ce qui se passe. Mais lui, il n'y a rien. Et puis, il va commencer à grandir là-dedans. Là, il ne souffrira pas d'avoir rien. C'est pas nous autres là, qui avons rétrogradé comme un enfant. C'est un enfant qui commence. Il faut que les parents aient un système endocrinien suffisamment solide pour ne pas souffrir à la place de l'enfant. Les parents, c'est souvent, c'est velcro, hein? Ça se colle. L'enfant, lui, quand il a 2, 3, 4 ans, il a commencé à désirer des choses. Eh bien là, il doit travailler avec nous pour les mériter. À un moment donné, ben, on va lui suggérer de lui faire un lit. Ah, il va vouloir. Il faut qu'il nous aide à le monter le lit, même si on l'achète. Il va nous aider, il ne peut pas rien faire, c'est pas grave. Et qu'il soit là. Et puis, au fur et à mesure qu'il va grandir, eh bien, il va devoir participer à l'amélioration de son entourage. Donc, de la naissance à l'état d'adulte, il saura quelle est la valeur du travail. On peut dire la valeur de l'argent, la valeur des choses, c'est la même chose, mais tu l'acquéris par le travail. Alors, il n'ira pas mettre le feu dans les casiers d'école, il n'ira pas tout démolir les toilettes des écoles secondaires. C'est, il ne fera plus ça. Mais si tu l'as parti du plywood, puis tu l'amènes en Rolls-Royce à 32 ans, puis qu'ensuite, il fait une rétrocession, il va trouver ça bien plus difficile, il aurait été mieux de rester sur le plywood. Oui, la seule chose qu'il y a, c'est que s'il reste sur le plywood, autant l'exporter dans un pays sous-développé. Mais c'est quoi l'avantage... De toute façon, un jour, il faudra qu'il sorte de chez vous. C'est quoi l'avantage d'être dans un, justement, pays développé en... C'est que si tu pars à zéro, puis que tu façonnes, tu apprends au moins une chose, c'est que tu peux faire. Si tu pars quand c'est tout fait, tu apprends une chose, c'est que tu n'en as pas assez. C'est là que d'aller en chercher un peu plus, là, ça n'a aucune valeur pour toi. Je veux un jouet, tu sais, il achète deux jours après, il ne vaut plus rien. Mais le jouet a coûté peut-être la totalité de l'argent que tes parents ont pu t'acheter comme jouet dans toute ta jeunesse. Lui, il l'a acheté là. L'adulte, c'est la même chose. L'adulte, qu'est-ce qu'il fait, l'adulte? Il se syndique spirituellement comme financièrement. Je connais, moi, des employés qui travaillent pour le gouvernement, j'en connais qui travaillent pour d'autres systèmes de compagnie. Et il y a une chose en commun, c'est qu'ils ne sont jamais assez bien payés, puis ils en font toujours trop. Il y en a un de mes amis, lui, il travaille pour le gouvernement, et puis à un moment donné, il travaillait pour moi, on avait un projet en commun. J'étais comptable, dans une grande tour à Montréal. Et puis, en 4 jours de travail pour moi, il ne travaillait pas pour sa compagnie. Il allait là au bureau, il téléphonait, il allait faire des visites, bon. Puis le vendredi, il faisait sa semaine de travail. Mais on ne disait rien, parce que le travail était fait. Il y avait un paquet de comptables, là. Mais lui, en une journée, il faisait les 5 jours de paye. Il pouvait les étirer. Alors, à un moment donné, ce bonhomme-là, il était d'accord pour que le gouvernement leur donne en plus des journées de congés supplémentaires pour pas le stress au travail, mais la fatigue excessive au travail. Parce qu'à un moment donné, il y avait une fatigue excessive au travail. Ouais, une journée par semaine, c'est dur. Oui, une journée par semaine, c'est ça, c'est terrible. Et il était pauvre. Mais c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il y a un bonhomme qui travaille dans les syndicats, il a fallu qu'il défende un employé qui s'est fait mettre dehors finalement, parce qu'il travaillait chez une compagnie d'alimentation, et il travaillait sur les petits camions transporteurs, et puis il plaçait les boîtes, il montait les boîtes des entrepôts. On s'est rendu compte que ça lui prenait plus de temps par jour à placer, parce qu'il plaçait moins de boîtes par jour que les autres. On envoyait un inspecteur, on a vérifié qu'est-ce qu'il faisait. Il les plaçait bien, les boîtes. Ça prenait plus de temps. Lui, il les enlit bien. Il les déposait, puis il s'en allait chez l'autre. Les autres, ils rentraient avec le palais, finalement, bien boîte. Il perçait pas, c'est pas grave. Il mettait dedans, ça en allait. Les gars avaient tant de boîtes à placer par jour, puis il y allait. Celui-là, il travaillait trop bien, il ne peut pas rentrer dedans le système. Il a perdu son emploi. Il avait le choix. Botch ou dehors. Il y en a un autre qui passe le balai. Je travaillais dans un hôpital, moi je ne passais pas le balai, mais j'y voyais passer le balai. Il allait lentement. Oui, mais il y avait un plancher à faire à l'heure. Il ne pouvait pas en faire un et demi, parce que ça aurait prouvé qu'il y avait trop de personnel. L'indicat ne peut pas. Il y a tout le monde à dos. Pas aspirateur, reste une chose. Mais tu prends l'exemple de celui qui conduisait le petit transporteur et qui fait bien son travail. Il fait mal lui, son travail. Lui, il paye... Il paye pour les oui. actes commis qui étaient des actes qui étaient corrects. Exact. Bon. Qui devrait payer si c'est pas lui? Voilà. Qui devrait payer? Notre planète Terre est totalement un système de prédation. Totalement. Les grosses entreprises bouffent les petits. Les meilleurs bouffent les plus faibles. Quel que soit où on va regarder, même les dieux sont prédateurs. Jéhovah envoie sa gang chercher des mormons, des chrétiens, des krishnas. L'église catholique, avec mon père ou mon Dieu, fait la même chose. Les krishnas sont ces coins des bouches de métro puis veulent vous vendre leur religion. Prédation, tout le temps. Le Coran avec l'islam, c'est de la prédation aussi, tout le temps. Tout le système est prédateur. Il y a eu un moment donné où il y a eu des guerres. Les croisades, ça fait longtemps les croisades, on ne sait plus ce que c'est. C'est une guerre sainte. C'était une théocratie qu'on avait à l'époque. Alors, on allait délivrer le tombeau du Christ en terre sainte, on se battait contre les musulmans. Les infidèles. D'un bord et de l'autre. Les dieux sont prédateurs. La dernière guerre sainte, c'est le Troisième Reich, avec Adolf Hitler. Guerre religieuse. Prédation, tout le temps. La race aryenne, la suprême, on massacre les autres. On commence par ceux qui nous puent le plus au nez, ou ceux qui sont plus proches. Puis lentement, on extermine le reste. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche. Si on est dans un système de prédation, quand on voit un écureuil, un joli écureuil s'en aller, ramasser des noix et les bouffer, c'est joli, joli, joli. Quand on voit un aigle majestueux voler et s'en aller, c'est merveilleux. Quand on voit l'aigle fondre sur l'écureuil, y arracher la tête, partir avec, alors on voudrait tuer l'aigle. Mais c'est ça la beauté. On n'a pas le choix, ça fonctionne comme ça. Notre aigle qu'on trouve mort à terre. Ah, pauvre toutou, tu te prends pied, t'es cute. Les écureuils ont réussi à y échapper, les torieux. Fait que les écureuils sont coupables. Ils ont forcé l'aigle à mourir de faim. Mais si l'aigle, lui, il les ramasse l'écureuil, tu ramasses 5 des queues à terre. Ah, l'aigle, il est... Bon, ça, c'est notre monde. Humain, animal, végétal, planétaire. Qui doit payer? Il y a une théorie humaine qui dit que c'est le voisin qui doit payer. Si on amplifie la théorie humaine, on va dire que c'est ceux qui ne sont pas dans la même religion, ou les Noirs, ou les Jaunes. Oh, aux États-Unis, il y en a un paquet de Blancs qui disent que c'est les Noirs qui doivent payer. Ils sont dans le Ku Klux Klan. Bon. Qui? Alors, les théologies ont trouvé un bon facteur. C'est Satan. C'est Kali. Dans d'autres religions. Kali, c'est le mal. Mais le problème qu'il y a, c'est que Satan, c'est lui qui doit payer. Il est où? Il vient pas chercher ses factures souvent. Ben, on le retrouve dans les églises. Dessiné, des fois. Satan, l'atmosphère dans les discussions de famille. Mais si c'est Satan qui doit payer, c'est pas pire. Alors pourquoi le Créateur suprême l'a créé? D'abord, c'est lui qui devrait payer. Si Satan, c'est les forces du mal, il ne peut pas faire autrement que de faire le mal. On ne peut pas y en vouloir. Il devient un prédateur, comme l'aigle qui tue l'écureuil. On va y en vouloir. Il est bâti de même. Il n'y a pas le choix. L'homme a froid. L'homme a faim. Alors il détruit pour se nourrir. Il détruit pour se vêtir, pour s'abriter. Il vole s'il le faut. Il n'a pas le choix. Il est bâti comme ça. Il faut qu'on cesse déjà de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Une chose intéressante à constater. Ton voisin t'énerve. Ton voisin t'enrage. Ton voisin, il fait que quand tu rentres dans la maison, tu bois les enfants. Tu flattes le chien. Alors, c'est notre voisin la cause. Mais moi, ce que je te dis, c'est que le voisin n'est pas la cause. Parce qu'une journée, votre voisin y passe avec votre tondeuse à gazon qui vous a emprunté il y a 2-3 mois, puis vous n'êtes pas capable d'aller la chercher. Chaque fois que vous allez pour lui emprunter, il y a toujours des bonnes raisons pour la garder. Puis, vous êtes heureux aujourd'hui. Vous voyez votre voisin faire le gazon avec la tondeuse, ça ne vous dérange pas. 2 jours après, vous êtes fatigué. Vous voyez le voisin avec votre tondeuse, puis là, ça vous saute d'en face. Est-ce que c'est le voisin? Il y a quelque chose qui descend dans l'homme, qui le manipule totalement, qui le fait souffrir totalement, puis là, qui lui dit en plus, « Regarde, c'est lui. » Pendant qu'on est occupé à haïr le reste du monde, bien, le coupable, il est bien. Alors, on peut haïr Satan, on peut haïr les divinités, on peut haïr le voisin, on peut haïr son professeur, son parent, ses enfants, on peut haïr son automobile, mais pendant qu'on est occupé à haïr les autres, qui sont finalement le bouc émissaire, bien, pendant ce temps-là, le coupable continue à descendre à travers ce qui nous constitue, peut venir nous faire souffrir. C'est qui? C'est quoi? Ouais, c'est une question intéressante. C'est qui? Tu te doutes du qui? Tu poses c'est quoi? Chose qui doit être comprise pour qu'on puisse connaître c'est qui. Premièrement, c'est évident que savoir c'est qui, c'est déjà une bonne chose, mais sachez une chose, c'est que ce c'est qui ou ce c'est quoi est inaccessible à l'homme. Donc ça ne nous donne pas grand-chose à savoir c'est qui ou c'est quoi? C'est ça. Ça peut nous donner une chose, par contre, c'est de cesser d'haïr ceux qu'on pense que c'est à cause d'eux autres. Ce maudit professeur-là, il met des idées folles dans la tête de mes enfants. C'est faux. Ce gars-là, il a encore battu ma fille. Ça parle. Oui, son corps physique a tapé dans le corps physique de ta fille. Mais le problème n'est pas là. Le gars est rentré dans une banque puis a tiré dans la face d'une caissière. C'est pas ça qu'il voulait faire. Non. J'étais trop nerveux. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui est rentré chez toi et qui a fait ça. Oh! Comique. Après ça, il se repousse tout de suite. Là, monsieur, sur le dos de nervosité. Sur le dos du fait que la prochaine fois, il prend un pistolet. Oh! Sur le dos de ce qu'on voudra. On est à côté du chemin. Les dieux. Je dis les dieux parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs religions avec qui se battent les unes les autres, matériellement ou spirituellement ou en propagande, pour recevoir, recueillir des fidèles. Les prédateurs ont soif d'énergie émotive, humaine. Les dieux ne peuvent pas. Les dieux, ce que j'appelle souvent les pieds de Dieu, mais chaque orteil porte un nom particulier. Jéhovah, mon Dieu, mon Père, etc. C'est pas Dieu. Mais... Ouais, nomme-les pas les autres parce qu'il y en a qui sont mauvais. C'est ça, il y a des dieux mauvais qui manipulent les gens à faire des choses par, pas catholiques, mais très, très de d'autres religions. Les dieux ne peuvent rien faire parce que les dieux sont des prédateurs et étant des prédateurs, ils sont confinés, obligés à prédater. Donc, même pas à peine de prier pour s'en sortir. On a un système évolutif. La conférence, qui doit payer, c'est intéressant. Premièrement, l'humain est totalement manipulé. Il n'est absolument pas coupable de rien de ce qu'il fait, mais absolument pas. Il n'est pas coupable. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, il sait ce qu'il a fait. Alors, il peut se culpabiliser, parce qu'il croit avoir un libre-arbitre. Il pense qu'il décide, il décide rien. Rien. Rien, rien, rien. Il n'y a pas un humain sur la planète qui décide. Jamais. Même celui qui décide, il ne décide pas. La preuve, il décide avec sa pensée. Quand il veut se coucher le soir, ça pense tout seul dans sa tête, il ne peut pas arrêter ça. pas à lui la pensée. On y fait croire. Non. Il y a une idée qui vous trotte dans la tête, éliminez-la. Vous pouvez pas. Ça demande de l'énergie, ça demande. Ouais, ça demande qu'elle-même décide de s'en aller. Vous allez dire, ah, j'ai réussi après une heure. J'ai réussi en comptant des boutons. J'ai réussi à... Hé, hey, si vous contrôlez le système, vous n'avez pas besoin de technique puis de trucs de même. Mais si on a besoin de trucs comme ça, c'est qu'on contrôle pas le système. On se fait mener. Qu'est-ce qui se fait mener dans l'homme? Le corps... Le corps physique? Le corps. Le corps, l'astral, le vital, l'esprit. Le corps. Les quatre parties en même temps. Oui. C'est le cave qui se fait venir. Maintenant, si on élimine le cave, le corps, l'astral, le vital, il reste l'esprit. Alors, si on élimine le cave, il n'y a plus de problème. Qui doit payer l'esprit? Pourquoi l'esprit doit payer pour les erreurs commises par l'homme? Voilà. Intéressant. Toutes les théologies ne s'accordent pas, mais disent la même chose. Il y a quelque chose qui, à l'époque d'un chaos primordial, un désordre total primaire, a engendré de l'ordre, a créé. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand il y a eu la création, il n'y avait que du désordre, c'est-à-dire rien. Rien de convenable. Si on prend une pomme puis qu'on l'écrase totalement, ou on met le feu après, vous n'aurez plus de pommes, car il y aura un pommier. Le sol sera devenu une pomme, au bout de l'arbre. Lorsque le temps passe, tout ce qui est totalement désorganisé tend à s'organiser. Théologiquement, on appelle cela l'évolution. Scientifiquement, on appelle cela l'organisation. On appelle cela aussi de l'information. Tout tend à s'informer. Dans cette assiette, il y a beaucoup plus d'informations que dans une poignée de sable. Il y a des lignes, il y a une forme. On peut même en connaître une histoire, il y a de l'information. Quand on regarde une mine de fer, mine de cuivre, c'est une mine. Mais dans une automobile, il y a beaucoup plus d'informations, mais ça provient d'un système totalement désinformé, que l'humain arrive à informer pour en faire quelque chose. Dans mon veston, il y a beaucoup plus d'informations que dans la plante. Mais dans la plante, il y a plus d'informations que dans les minéraux, ou dans les photons, ou dans le gaz carbonique. L'évolution, c'est l'information. Dans la désinformation cosmique, il y a lentement une organisation qui s'installe, une nébuleuse. Elle va lentement être attirée par elle-même, c'est la gravité. La plus petite force, la plus faible force de la création. Et les constituants vont lentement s'agglomérer entre eux pour s'informer. Ils vont devenir un soleil. Lorsqu'il y a un soleil, il y a de l'information. On peut en parler, il y a de la chaleur, il y a un rayonnement, il y a un rayonnement photonique, un rayonnement thermique. Il y a plusieurs choses. Il y a création d'hélium, création d'hydrogène, création d'hélium, création de différents phénomènes jusqu'au fer. Lorsque l'information, et c'est important ce que je dis là, lorsque l'information arrive à son maximum d'informations dans un soleil, un noyau de fer, la gravité du soleil, si le soleil est trop petit, n'est pas assez grande pour continuer à écraser les noyaux de fer pour en faire d'autres choses. L'information devient à un point tel parfait, qu'à un moment donné, tout explose et on retrouve la désinformation. Et c'est pourquoi aussi, dans certaines théologies, on parle de cycles. Ça, c'est l'apothéose, l'apocalypse. Oui. Là, on s'en irait vers un apocalypse total. Albert Einstein a dit que s'il y avait une troisième guerre mondiale, on la ferait peut-être à coup de bombes nucléaires, mais la quatrième, on va faire à coup de roche, à coup de bâton. On va tout détruire. Il se trouve que l'être humain est comme un soleil, en parallèle. Il s'informe. C'est de l'information. Étant de l'information, il rayonne de la lumière, comme un soleil. Tout ce qui tend à s'organiser rayonne de la lumière. Si on éteint les lumières ici et qu'on prend une photo avec une pellicule infrarouge, on va voir que chaque être humain émet de la chaleur. La chaleur émet un rayonnement infrarouge, de la lumière. Tout ce qui s'organise, les plantes émettent de la lumière. Un moteur d'automobile émettra nécessairement de la chaleur. Bien chaud. Il émet donc de l'infrarouge. Tout ce qui s'informe émet de la lumière. Cette lumière-là engendre de la désinformation à l'extérieur. Plus petite, mais de plus, plus volumétrique. Et c'est à ça qu'on doit s'opposer. Lorsque l'être humain s'informe, il en arrive à un point d'information ou d'évolution, dans tous les niveaux, où il approche d'une explosion. Il peut sauter. Alors, il y a l'explosion sociale. Il y a l'explosion peut-être planétaire. Si on va vers une troisième guerre mondiale, il y a des grandes probabilités qu'il y a suffisamment de désinformation par la suite pour qu'on doive recommencer. Quand on recommence, dans un système planétaire, ce n'est pas à coup d'années, c'est à coup de millions d'années. Bon, à coup de milliers d'années dans le... C'est plus beau, ça fait 4 milliards d'années qu'il est là. C'est pas, on n'est pas à l'année près. L'être humain qui évolue, c'est la même chose. Il cumule de l'information, donc il évolue. Évoluant, il a nécessairement une gravité, il a une attraction qui est différente de celle des autres, ce qui fait que sa vision, je pense des phénomènes ésotérico-physiques, et il a une vision différente des autres, et sa vision lui amène une information plus particulière, et lentement, plus il sera informé, donc plus il sera évolué, plus sa gravité va augmenter, comme les soleils, et plus il va attirer des gens autour de lui, plus il va attirer des événements autour de lui. Mais ce qu'il attire autour de lui, ce sont des choses désinformées, c'est-à-dire des choses désorganisées, qui viennent s'associer à lui. S'associant à lui, ils peuvent être absorbés par lui ou ils peuvent le têter. Donc, réengendrer une désinformation chez lui. Les pauvres qui vont voir le riche vont appauvrir le riche. Le riche va enrichir les pauvres. Oui. Bon. Sauf si le riche décide de ne rien leur donner. Ou d'appauvrir les pauvres. Ou d'appauvrir. Bien, normalement, c'est ce qu'il va faire, il va appauvrir les pauvres. Un riche sera rarement neutre. Il aide ou il prend. Autrement, question de prédation. Si le pauvre est un meilleur prédateur, il va prendre l'argent du riche. Si le riche est un meilleur prédateur, il va encore appauvrir le pauvre. C'est ce que nos sociétés font, parce que nos sociétés sont faites pour que les pauvres s'appauvrissent alors que les riches s'enrichissent. Mais c'est normal, c'est un système pyramidal de questions financières. En haut, ici, on souffre d'une certaine façon, mais on ne veut pas vivre la souffrance de sous-là. Le degré et l'intensité est le même, mais par rétrogradation, ça complique les choses. Mais tantôt, tu as dit l'homme peut finir par exploser. Oui. Qu'est-ce qui exploserait dans l'homme? C'est ça. Le corps, le cave, comme tu disais tantôt, ou le cave avec le E ou pas de E? Le cave. Le E, ça explose pas. Le cave, ça explose pas. Qu'est-ce que c'est? On s'informe. On a un corps physique qui évolue, qui est beaucoup plus raffiné qu'avant, qui est beaucoup plus thermique qu'avant. On a un système neuronique extrêmement génial. Le sang circule beaucoup plus au niveau de notre cerveau, au niveau de certaines glandes endocrines, donc du système endocrinien. Il y a donc plus de chaleur, plus de rayonnement photonique, infrarouge. Il n'y a plus d'informations, nous coordonnons les choses, nous avons des ordinateurs présentement, nous voulons structurer notre évolution, nous voulons structurer l'éducation de nos jeunes, nous voulons structurer tout, nous informons. Nous voulons créer de l'ordre. Mais l'ordre est totalement l'antithèse de la création. Si nous voulons créer de l'ordre, nous voulons détruire la création. Lorsqu'à un moment donné, la création, si tous les soleils arrivent à se rentrer les uns dans les autres, à se fusionner ensemble, à des explosions solaires, c'est-à-dire que l'individualité stellaire doit être détruite pour créer finalement une nébuleuse collective qui ne sera pas un paquet de soleils, mais une seule chose. Donc, de la pluralité, on va engendrer l'unité stellaire. La gravité va recréer un soleil massif qui va devenir tellement puissant qu'il ne pourra plus exploser. Ne pouvant plus exploser, il va s'effondrer. S'effondrant, il devient un trou noir. Et le trou noir devient un prédateur total. Il ne peut plus être prédaté. Il est le dieu suprême du point de vue stellaire. Il gobe tout ce qui se passe autour de lui. Plus il gobe, plus il grossit sa masse, donc son information. Plus il la grossit, plus il peut gober. Mais à un moment donné, un trou noir supramassif, comme il n'en existe pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'effondrer. Et à un moment donné, c'est ce qui devra arriver. Toute la création devra être informée ou devra réexploser. Les scientifiques prétendent qu'on est dans un univers en expansion qui va ralentir. On aura une contraction jusqu'à une réexplosion. Bon, c'est un point de vue intéressant. Ce n'est pas ce qui est arrivé, donc ce n'est pas ce qui va arriver. À un moment donné, ça s'effondre, ça s'écrase. Il n'y a plus rien. Et c'est le rôle de l'homme, anéantir l'univers. Tout le système théologique, tous les systèmes théologiques veulent informer l'humain. La problématique, c'est que l'information, donc l'évolution, elle soit spirituelle, émotive, psychologique, placez-la comme vous voudrez. Mais l'information, quand on organise, et c'est ce qu'on organise, on organise, on se place comme il faut, on organise. Toute forme d'évolution, donc d'information, est contre nature créationnelle. Cela veut nécessairement dire que chaque fois que nous allons vouloir nous informer, évoluer, nous allons aller à l'encontre de tout ce qui existe. Nous devenons un prédateur massif pour ce qui est désinformé, pour ce qui est désorganisé. Devenant un prédateur massif pour cela, nécessairement l'être humain se fait investir, l'être humain ramasse de la désorganisation, qui, dans les premiers paliers, ce qui est le plus proche de l'homme, c'est le palier astral, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire le monde de la mort, totalement désorganisé, mais plus organisé que les végétaux. Mais comparativement au mental ou à la faculté supramentale chez l'homme, c'est totalement désorganisé. L'être humain, il souffre pourquoi? Parce qu'il est confronté totalement entre deux mondes. On parlait du yin et du yang avant, mais c'est une façon très archaïque de voir la chose. C'est pas mauvais ou bon, ce n'est pas noir ou blanc, chaud ou froid. On retrouve ce genre de polarité, mais ce n'est pas cela. Il y a simplement une structure organisationnelle évolutive, l'homme, la matière, les plantes. Nous prenons de la matière et nous l'organisons. Voilà. Et il y a toute la structure créationnelle, donc on peut dire l'univers si on veut comprendre, mais l'univers c'est très, très localisé dans un super univers qui est localisé dans la création. Alors toute la structure créationnelle lutte contre l'homme. Notre système planétaire est un système de prédation. C'est une planète où tout est prédation. Le prédateur, c'est le plus fort. Le prédateur organise donc son troupeau. Le prédateur organise donc l'écosystème dans lequel il est. Le prédateur améliore. Et c'est pourquoi nous sommes dans un système de prédation. On appelle cela un système volitif, un système d'évolution. Toute la structure de la planète. Étant donné que nous sommes dans un système comme cela, comme celui-là, cela veut dire que le coupable ou ce qui a organisé la structure, ce qui la permet, n'est pas là. On n'a même pas peine de crier. C'est l'esprit. Ce que nous, émotivement, astralement, psychologiquement, théologiquement recherchons, l'esprit, est le coupable. Mais l'esprit, c'est pas Dieu. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de religion, c'est pas... L'esprit ne demande pas à l'homme de manger des bonbons s'il va avoir le paradis. Ou de monter des marches à genoux, ou de descendre dans des boulets à des côtes, ou etc. Non. L'esprit, les dieux font ça. Les dieux ont besoin de cierges, les dieux ont besoin de prières, les dieux ont besoin que tu prennes de ton temps pour aller t'écraser quelque part, pour faire un rituel. L'esprit, c'est de l'énergie. L'esprit, c'est de l'énergie, mais l'esprit, c'est surtout quelque chose qui existe au-dehors de la création. Il n'y a pas d'esprit dans la création. L'esprit, c'est totalement organisé. J'ai déjà dit en conférence, surtout au niveau du séminaire, j'explique des choses que je ne fais pas en conférence régulière, mais que la création est accidentelle, pas l'homme. Et que lorsque l'homme aura fini son travail de salvation, la création n'aura jamais existé. Parce que le temps va être réintégré avec. Présentement, ce qu'on peut comprendre, c'est que la création, c'est quelque chose. Quelque chose qui marche comme un écran d'ordinateur lorsqu'on joue avec un jeu comme Pac-Man. C'est-à-dire que la création, elle n'a pas de limite, mais elle est finie. Alors, lorsqu'on arrive à l'extrémité de la création, bien, on est ici. Alors, si on part de la planète Terre en ligne droite, après 15 milliards d'années à la vitesse de la lumière, 299 000 des kilomètres à la seconde, on va arriver sur la Terre. Ça, c'est si on a voyagé en ligne droite. Dans l'autre côté de la Terre ou sur le même côté d'où on est parti? Sur l'autre côté. Ben, elle a tourné. Disons que tu arrives sur le même côté. J'ai déjà expliqué avec que si on regardait dans un microscope et qu'on était capable de voir un atome, puis qu'on était capable d'aller sur les constituants subatomiques de l'atome, puis qu'on finirait par voir des choses qui ressemblent à des systèmes solaires. Puis si on arrive à aller dessus, disons qu'on voyage en ligne droite d'une façon photonique, on va arriver jusqu'à une forme de planète nuageuse bleue, puis on va pénétrer dedans, puis on va rentrer dans une maison, puis on va voir un gars assis au microscope en train de regarder, puis c'est nous autres. On se voit de là. C'est comme ça marche. Einstein serait d'accord avec ça. C'est lui qui a parlé de du reste, mais moi, je ne sais pas. À l'extérieur, il y a de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il n'y a pas de centre dans la création, ce qui fait que l'esprit est toujours à côté de nous. Il me plaît à dire qu'il est à côté de ton oreille gauche. Bon. L'esprit est à côté. L'esprit traverse la création par ce qu'on appelle un ajusteur de pensée et peut toucher l'homme. En touchant l'homme, il amène de l'information dans l'homme. Il amène de l'information dans une structure totalement désorganisée à l'origine, qui est un système planétaire. Lentement, un système carbonifère, un système d'acides aminés, puis un système de végétaux, un système animal, jusqu'à temps qu'à travers la sélection martyrisante, la sélection souffrante des espèces, un véhicule planétaire soit capable de supporter une dose plus grandiose de souffrance. Eh bien, c'est celui-là que l'esprit va choisir pour maintenant le faire souffrir encore plus, c'est-à-dire l'organiser. Mais l'organisation, c'est quoi? C'est quoi la souffrance? La journée que l'être humain découvre que l'amour est une farce, bien, il organise en dedans. Il souffre en maudit. La journée que l'être humain découvre que, merde, on est manipulé, il organise, il souffre. La journée que l'être humain découvre que sa femme, son fils, son mari le laisse tomber, que n'importe quoi. Chaque fois que l'être humain souffre, c'est lorsqu'il découvre qu'il n'est pas le boss, qu'il n'est pas le chef, qu'il n'aura pas raison, qu'il vient de perdre ce qu'il pensait qu'il gardait, donc qu'il manipule rien. Chaque fois que l'être humain évolue, et c'est pourquoi d'ailleurs certains personnages ont dit que la souffrance faisait évoluer. On peut évoluer sans souffrir, mais il faudra que quelque chose souffre. Pas nous autres. Il faut faire souffrir quelqu'un d'autre. Oui. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas mauvais, ça. C'est très, très, très bon. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, la journée que vous découvrez quelque chose, vous voulez changer. Le premier à souffrir, c'est qui? Ceux qui vous fait. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Si toute la famille l'accepte bien, bien, c'est le reste de la famille qui le prendra pas. Ou c'est les employés de bureau. Ou c'est les... Il y aura quelqu'un, à un moment donné, pour venir te dire que t'es pas correct, c'est ce qui se passe, là. Tu réveilles, reviens comme... Tu vas arrêter de fumer. Encore! Oh, on veut que quelqu'un... C'est tout. Donc, c'est en devenant un émotif, en ne réagissant plus aux émotions, qu'on devient comme ça? Bon, c'est simple. Premièrement, l'être humain est à caractère évolutif. Qu'il le veuille ou non, il augmente son information. Augmentant son information, il déstabilise ce qui est informé autour de lui. Donc, il crée la désinformation. La souffrance est immédiate autour de lui. Cette souffrance immédiate s'approche donc de notre soleil, de celui qui vient d'informer, et vient le têter. Celui-là, assujetti à de l'esprit, donc à de l'intelligence supramentale, disons de premier ordre, va nécessairement devoir lutter contre ce qui est désinformé chez lui, vos mémoires. Il va lutter contre. Il y aura nécessairement une déchirure, c'est-à-dire qu'on va vouloir informer. Oui, mais ça fait 20 ans que je pensais que c'est ça. Pense le plus ça. Pas facile, mais non, tu souffres aussi. C'est ça, on va souffrir. L'individu qui souffre est toujours un individu qui évolue. Toujours. Alors, nécessairement, l'être humain souffre. Pourquoi? Parce que l'esprit veut informer. Pourquoi? Parce que l'homme doit informer. Quand je parle d'homme, je parle de femme et d'enfant, évidemment. Ça doit informer, ça doit évoluer. L'être humain est un pauvre type. L'être humain, c'est quelque chose comme de l'air. De l'air. Je prends de l'air froid. L'intelligence descend, c'est de la chaleur, de l'énergie, ça réchauffe. Quand l'air commence à être chaud, il commence à monter. Et ça, c'est nous autres. On évolue, on est bien. Là, on monte, le froid est en bas, le froid vient prendre notre place. Là, on a peur un peu, parce qu'on dit que on vient de perdre ce qu'on avait. Le froid vient prendre sa place. Mais là, on monte vers ce qu'on ne sait pas où. Mais l'intelligence, c'est comme ça. Jusqu'à temps que, mais l'intelligence, c'est comme ça, c'est très chiant. Quand l'air arrive en haut de la stratosphère, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que la chaleur, elle continue à monter, mais l'air ne peut plus monter. Fait que l'air se refroidit rendu là. C'est nous autres, ça. Là, on retombe là. Là, on est froid. Puis là, le cave qui nous prend notre place, on le voit monter tout heureux. Puis on dit, hey, fais pas ça! Lui comprend plus que toi. Quand tu arrives en bas, là, après la désillusion totale de ton évolution, tu arrives en bas, t'es de la foi. Là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à te réchauffer. C'est comme ça marche de même. Les photons arrivent, c'est de l'information solaire. Ça arrive sur la planète Terre, ça se divise en rayons infrarouges, c'est de l'information. Plus évolué quand même que toi, mais moins que le photon jaune. Puis Puis là, ça te réchauffe, puis la Terre avec, il y a des réactions nucléaires, elle réchauffe l'air, puis là, on est parti. Puis là, ce coup-là, on est sûr qu'on est correct, parce qu'on n'est plus sur la même planète, c'est l'air, ça se promène. Là, on est sûr que, à un moment donné, tu ne peux plus aller plus haut. Tu peux aller plus haut. Mais qu'est-ce qui se passe d'abord? Bien, il se passe simplement que c'est la chaleur qu'on veut qui monte, pas toi. Alors, si on veut que la chaleur monte, quand la chaleur arrive en haut, elle quitte l'attraction planétaire, puis elle continue à les rayonner dans l'espace. Puis nous autres, la gang d'humains, ben c'est pas, on n'a rien à voir là-dedans, on descend en bas. C'est pas, nous ne sommes pas importants du point de vue évolution, pas en tant que cave, pas en tant que corps physique, corps vital puis corps astral, pas en tant que chair, en tant que vie et en tant que mémoire. C'est le cave, le corps, l'astral qui est la mémoire, le phénomène psychologique qui allie le désir, l'émotion et la mémoire. Puis le corps vital, qui est la vie, qui est la structure intra-atomique, qui permet la mémorisation des liaisons atomiques, qui mémorise les formes. Et le cave. Alors nous autres, on grimpe avec le cave, puis on pousse de l'esprit en haut. On ramène de l'information. Il faut devenir de la chaleur si on veut aller descendre, je comprends. Ouais, ça c'est bien beau à dire, mais l'affaire qu'il y a, c'est que devenir de la chaleur, on fait ça comment? Si la chaleur, c'est pas nous autres. L'air se dit, va devenir de la chaleur. C'était ma deuxième question. Ouais, mais l'air ne devient pas de la chaleur. L'air, c'est un transporteur de chaleur. L'air, ça monte en haut. Puis la chaleur continue, puis le cave il redescend en bas. Bien, il va y avoir un autre échauffeur, un autre dieu, une autre manière, un autre amour, un autre n'importe quoi. Bien, repart, ça y est. Et à un moment donné, bien, ça y est, putain, ça continue, puis il redescend en bas. Nous sommes un véhicule, puis on recommence. C'est ce qui crée la vie sinusoïdale de l'humanité. Point c'est quoi. Ce qui crée l'évolution de l'animal humain, comme je l'appelle souvent. Ça, c'est le cave tout court, pas l'esprit de Dapantout. Alors, il y a un problème majeur. C'est que nous sommes sur un plan planétaire, c'est très intéressant. C'est sûr que c'est bien plus plaisant de se dire qu'on se réincarne, qu'on évolue, puis à un moment donné, on se met tout. Mais bon, génial, génial. Ou la résurrection des morts, à un moment donné, il va y avoir 8 billions d'individus qui vont être réincarnés, qui vont résurer, ils vont vivre leur résurrection. Parce que si on calcule qu'on est 5 milliards 252 millions présentement sur le plan planétaire, bien si on regarde depuis quelques milliers d'années en arrière, il n'a vécu les humains, n'est-ce pas? Mais si la réincarnation n'existe pas, c'est que c'est d'autres humains. Mais dans la résurrection, on va se finir ses pieds. Ben non, on va être tout en petit nez. Faut que je pose de quoi. On peut penser bien des choses, mais ça n'empêche pas que celui qui prie Moroni voit des guérisons dans sa famille. Et voit un autre membre de sa famille se faire arracher un bras, puis l'autre est mort dans un incendie. Celui qui est catholique, mais catholique pratiquant total, il mange la Bible pour vous, il y a des indigestions. Lui avec, il voit des guérisons. Lui avec, il voit des morts. Celui qui est totalement satanique, il voit des guérisons. Il voit des morts. Celui qui est athée, il casse la gueule pareil. Puis à un moment donné, il s'en sort. Il gagne à la tri pareil. Ben oui, donc, ou amuse-toi comme tu voudras. Ça ne change rien. Alors, on a beau se leurrer comme on voudra se leurrer. Si on se leurre, c'est qu'on est le poisson, puis on prend l'hameçon et le crime, on se plante. C'est ce qu'on fait quand on se leurre. Les dieux. On a beau les prendre comme on voudra, les béatifier comme on voudra, les recouvrir d'or parce qu'ils sont pas assez beaux, les adorer donc. Il faut leur dire qu'ils sont cute, qu'on les aime, parce que sinon, ils sont comme les autres, ils ont peur, ils s'ennuient. Bon. Prenons la philosophie que l'on voudra. Ça n'empêchera toujours pas qu'à un moment donné, vous allez renverser un verre de café. Vous allez vous ébouillanter ou ébouillanter quelqu'un. Quelle que soit votre religion, vous aurez besoin de... Alors, c'est pour quel dieu on vote? Votant. Si nous ne sommes que des véhicules de transport d'énergie et que lors de notre montée, la quantité d'air chaud doit engendrer des frictions ioniques sur l'air froid qui ne monte pas, ça fait la souffrance, ça crée des nuages, ça crée des éclairs de chaleur, ça crée du froid. Ben, si c'est ce qu'on est uniquement censé faire, il faudra se faire une raison, puis le faire comme il faut. Puis arrêter d'en souffrir, puis le faire quand même. On va souffrir pareil, mais ça c'est de broyer. Mais il y a autre chose, c'est que l'être humain peut faire plus que ça. Il y a une façon, on peut transformer de l'air en chaleur. Content? Oui, je suis content. Ça se fait scientifiquement, ça peut se faire. On fait ça comment? Quand un jour on a pris de l'hydrogène et on en a fait de l'hélium, ça a été très intéressant. C'était plus puissant que 10 bombes atomiques comme on les a connues sur Hiroshima. Quand on a pris du plutonium puis qu'on l'a séparé, il y a la fusion, il y a la fission. Mais une bombe hydrogène, c'est plus grave, c'est bien plus dramatique, c'est une fusion. On crée de l'information en créant de l'hélium à partir de l'hydrogène. Mais on peut aussi créer de l'information différente, créer des photons jaunes. Bon, je passe des petits détails, mais quand on fait une fission, on prend de la matière, puis la matière se dégage en énergie. Et toute cette énergie-là, elle est calorifique, elle est chaleur. Donc la matière devient chaleur. Le corps physique de l'homme peut devenir un corps éthérique, donc un corps de lumière. L'être humain a la facilité, c'est une facilité, c'est facile. Ça prend du temps, c'est facile. Il ne faut pas mélanger les choses, c'est pas parce que ça prend 2000 ans que c'est dur. Okay? C'est facile, ça se fait. Ça prend, normalement, ça prend quelques milliers d'années pour y parvenir. Mais il faut savoir une chose, ça fait déjà plusieurs milliers d'années qu'on est sur la planète. Ça dépend quand on a commencé. Oui, mais ça dépend pas quand tu as commencé, toi. Ça dépend d'où ton corps physique vient. Mais ton corps physique vient pareil de l'homme des tavernes. Des cavernes. Bon. Ah, il n'y a pas de problème. L'être humain, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, des choses. C'est une conférence comme ça, je ne vous donnerai pas tous les détails. Ça prend des heures et des heures et des heures de dialogue, de discussion. Bon. Mais ça se fait, ça se fait. Première chose qu'on doit faire, la première affaire, c'est de cesser de s'occuper des innocents. Première chose. Fait que quand tu m'énerves, il ne m'énerve plus. Mais lui, il m'énerve! Il y a une nuance. Cette nuance-là, elle est primordiale. Pourquoi? Parce que l'humain va déjà commencer à éliminer l'état de prédation qu'il a, lui, envers l'autre. Mais quand tu dis « lui, il m'énerve », c'est l'ego qui dit à l'esprit qu'il l'énerve? Oui, c'est le cave. Les caves, c'est l'ego. Oh non, à l'esprit. Mieux vaut crier contre l'esprit ou moins tu cries contre personne, mais on va faire mieux. Mais c'est déjà le début. Mais qui énerve qui, là? Personne. Toute la désorganisation astrale. Bon, le premier coupable qui énerve l'humain, le premier coupable, c'est dommage. Ce sont les religions. Pas vrai. Ce sont les dieux. C'est le premier coupable. C'est le premier qui vient instruire l'humain par des archétypes, des vieilles formes, qui vient lui dire qu'il y a un père ou une mère créatrice. Chez les Amazones, c'est une mère. Ailleurs, c'est un père. Qui vient lui dire qu'il a le libre arbitre. Tu peux faire ça ou ça. Si tu fais ça, je te tue. T'as le choix pareil, t'as le libre arbitre, là. T'es bien. Puis si tu fais ça, ben là, t'as le mieux que les autres, si je te vois. Quand tu donnes 5 cents, personne ne donne rien, tu donnes beaucoup. Quand tu donnes 5 cents, tout le monde donne une pièce, c'est un cave. Ça, c'est pas question de... question de différence de potentiel. Alors, l'être humain doit... Le premier coupable, c'est tout ce qui est investi dans l'homme. Qu'est-ce que c'est qui est investi dans l'homme? Premièrement, étant donné que l'être humain est convaincu qu'il a les barbites, il est convaincu qu'il fait des actes, donc qu'il fait des gestes. Après ça, il paye pour. Première chose, on paye pour ce qu'on n'a pas fait. On paye pour ce qu'on n'est pas obligé de faire. Est-ce que l'air qui arrive en haut, l'air chaud, on va lui dire « Hey, le cœur, tu viens de perdre ta chaleur, descends en bas, tu la prendras. » On ne peut pas faire autrement, il est bâti comme cela. Si moi, j'arrive à la maison avec un sifflet dans la bouche, un bonbon sifflet, puis je fais « tu, tu, tu », ça me tape ses nerfs. Est-ce que c'est de ma faute ou à cause, ou c'est de la faute de la constitution de vos oreilles? La faute de la constitution de votre système nerveux? Est-ce que je le sais, moi, ce que votre cerveau entend par vos oreilles? Vous dites que c'est de ma faute, que je suis tannant. Puis en plus de tout ça, est-ce qu'en même temps que je fais ce son-là, il n'y a pas une maudite énergie pernicieuse qui descend, puis c'est ça qui te fait? Mais ne voyant pas ça, tu dis « arrête! » Quand j'arrête, on coupe en haut. Alors ça te convainc bien que c'est moi. Puis pendant que l'humain s'occupe de lui, ben, il continue à se faire charrier. Parce que toutes les structures révolutionnaires planétaires, les structures, les systèmes d'éducation n'ont jamais solutionné rien dans l'humain. C'est évident que le petit enfant romain qui rentrait dans la cabane, dans l'atrium avec son os dans la bouche, qui faisait des hit, ben, il devait choquer le centurion, certain. Ça, on ne manque pas. Regardez en Égypte, Les enfants ont tous été trempés dans des murs, plein de dessins, tout ça, partout. C'est la même chose. Le stress est resté le même, quelle que soit la religion, quelle que soit la théologie. Alors, il faut qu'on cherche ailleurs. C'est le début. Une conférence, ça ouvre les portes comme ça. Bon, après ça, le séminaire, on peut travailler, puis on peut travailler ailleurs, faire des choses, mais là, c'est le début. Mais on doit immédiatement, même ceux qui ont déjà fait le séminaire, ceux qui font les qui viennent, hein, qui viennent aux conférences spéciales, qui ont plus d'informations. À un moment donné, on se dit, ouais, mais ça, on le sait, il l'a déjà dit. Ce soir, je ne vous le dis pas, là. Il faudrait que je vous le plante. Au lieu de s'occuper, et maudit de renverser le verre d'eau, tu m'as tout mouillé. Est-ce que c'est lui qui m'a mouillé ou si c'est l'eau qui mouille? Bonne question. Oui, mais il savait. Il savait. Un accident, c'est un accident. Puis quand il l'a renversé, il ne savait pas. Il savait avant. Il savait après. Il ne savait pas pendant. Chaque fois que vous faites une connerie, quand vous la faites, vous ne le savez pas. Avant, après, oui. Puis là, on vous dit, ouais, mais tu le savais. Répondez non. Oui, je le savais. Quand tu l'as fait, quand je l'ai fait, là, ça ne va pas. Et je le savais. Jusqu'à temps que je le sache. Hein? Mais entre ça, il s'est passé un petit quelque chose. L'heure est passée. On va faire une petite pause. On va revenir là-dessus. C'est le temps de poser des questions sur ce qu'on doit faire pour s'en sortir. Il y a un masque de conneries. Ça ne se fera pas tout de suite, mais c'est facile. Vous avez des commentaires, vous les amenez. Vous avez des questions, vous les écrivez, puis on va y répondre. Petite pause. Je vous rappelle que ceux qui désirent obtenir les cassettes de la conférence de ce soir ou des conférences précédentes, elles seront disponibles au comptoir pour peu que vous laissiez votre commande à Denise. Les gens qui désirent s'inscrire pour le PNC+, c'est une activité qui a lieu au Mont-Gabriel. Pour les gens qui ont déjà suivi le séminaire intensif avec Daniel Kemp, je serai à l'extérieur pour prendre vos inscriptions. Bonne pause.